Go back! Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là! Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette deuxième émission du Fan Club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir. Encore merci pour vos retours hyper chaleureux pour cette première. Pour cette deuxième émission, pour m'accompagner ce soir, il me fallait une touche féminine du Fan Club, celle qu'on surnomme aussi l'hystérique commissionnaire de la fantasy. J'ai nommé Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir tout le monde. Et pour m'accompagner également, l'homme pour qui les statistiques n'ont plus de secret et qui a des analyses hyper pointues que toutes les chaînes américaines envient, j'ai nommé Ali. Bonsoir Ali. Bonsoir Cédric, bonsoir Claire, bonsoir à tout le monde et je vous remercie pour cette invitation et pour le super moment qu'on va passer ensemble. Au sommaire de cette nouvelle émission, nous reviendrons bien évidemment sur le match des Dolphins où je leur demanderai à mes invités leur impression. On analysera et l'attaque et également la défense. Je leur poserai la question si cette victoire est une victoire de référence ou une victoire en trompe-l'œil. Nous parlerons bien évidemment de top et de leur flop. En deuxième partie d'émission, notre débat sera consacré à se poser la question avec une fiche de 7-0. Doit-on avoir peur que les Patriots fassent preuve de suffisance? En troisième partie d'émission, vous retrouverez vos chroniques habituelles. La Patriot History où Ali nous parlera de quoi cette fois-ci? Bah écoute Cédric, vu l'actualité brûlante, on est ce soir à la trade deadline. Peut-être qu'une info va tomber en cours d'émission d'une minute à l'autre. J'ai décidé de m'intéresser à deux trades qui ont marqué l'histoire récente des Patriots. Merci Ali. Et en quatrième partie d'émission, vous retrouvez bien entendu le match de la semaine prochaine, c'est-à-dire face aux Washington Redskins, où nous parlerons bien évidemment de nos attentes, des forces et des faiblesses de Washington, et bien entendu, du pronostic. Il me reste à vous souhaiter une bonne émission, le Fan Club français du New England Patriots, épisode 2, c'est parti. Avant de parler du match face à Miami, nous allons parler tout de suite de la breaking news qui tombe en ce moment parce que c'est la deadline ce soir. Elle se finit dans quelques minutes. Nous avons l'information qu'apparemment Marc Courtine ne se faisait pas et Ali a justement analysé les détails de ce non-trade. Voilà, donc comme vous le savez, on a pas mal de réseaux, le Presse en particulier. Donc je signale juste que c'est une info qu'on avait quand même en boîte depuis une bonne semaine. Et donc malheureusement, ça ne se ferait pas. Comme c'était prévisible, c'est une question de gros sous. La NFL est en grande partie avant tout un sport de gestion de salary cap et malheureusement il y a de grandes chances que ça ne se fasse pas. Pour donner des chiffres précis, donc en termes de salary cap, pour l'instant on était à Claire, je crois que tu avais le dernier chiffre, je crois que c'était on en était un petit peu en dessous de 3 millions. On avait en cap room, on avait 2 800 000 dollars. Voilà, ça, sachant que ça change d'un site à l'autre, les estimations sont oui, l'estimation là que j'ai donnée, c'est sur over the cap. À peu près de l'ordre de 3 millions. Et sur le salaire proratisé de Jason McCourty, donc qui a 8,6 annuels, sachant que là, on est déjà on a déjà passé cette semaine sur les 16, donc il aurait fallu le payer 4,8 millions. Donc on bloque à 2 millions de dollars près. Donc voilà, malheureusement, c'était prévisible, mais ça ne se fait pas. Réaction comme ça à chaud là de cet échec, dont d'ailleurs le président l'avait déjà évoqué le sujet sur notre première émission. Bill le voulait beaucoup. Le problème, c'est que Bill le veut, mais après le salary cap, il dit autrement. Après, c'est le juge de paix, c'est ça, et c'est dommage de ne pas avoir les deux frères réunis, mais à un moment donné, on ne peut pas faire fi de ça. Donc, c'est dommage, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est clair que c'était prometteur et c'est vraiment frustrant parce qu'on connaît la connivence des deux frères. Le Presse pourrait vraiment vous le raconter. Il faut savoir que Jason est souvent à Foxborough pour rendre visite à son frère. Et donc, voilà, il y avait une connivence qui, évidemment, aurait sûrement permis d'avoir un résultat immédiat au niveau de l'amélioration de la secondary. Et bon, malheureusement, ça, pour des raisons salariales, ça ne pourra pas se faire. Et donc, voilà. Le trade d'un DB qu'on attendait tant ne se fera pas. Ça pose évidemment des questions sur la profondeur d'effectif de cette secondary, pardon. Et donc voilà, a priori, Bill va devoir gérer son effectif en l'état, à moins d'initier un free agent. Là aussi, le problème c'est que tu prendrais qui ? Ça après. On a qui en libre dans la... Bah justement, là aussi, je parlais des réseaux du Prez, il nous avait soufflé Finnegan il y a 4 semaines de ça, je crois. Alors ça d'ailleurs, si je peux me permettre de rebondir sur Finnegan, parce que j'ai entendu ce que vous disiez sur le podcast précédent, moi je crois que c'est quand même, même si dans le vestiaire il peut apporter, sur le terrain, le type il est cuit, quoi. C'est, je crois quand même, à un moment donné, surtout sur des postes comme ça qui sont quand même très exposés, je crois qu'il faut quand même des types qui soient en forme et qui jouent de façon régulière et à haut niveau, quoi. Finnegan, je trouve que depuis quelques temps, depuis 2 ans, c'est quand même assez léger, quoi. Même si dans le vestiaire il apporte, au final ce qu'on demande c'est quand même aussi sur le terrain que ça carbure, surtout chez les Patriots. Donc je sais pas trop si vraiment c'était le bon partenaire de trade de prendre Finnegan. Mais ça, c'est que mon appréciation personnelle. Après. Je suis assez d'accord avec Sam que c'était un plan de secours. C'était plutôt pour remplacer Brown, qui s'est blessé pour la saison. Donc, c'était plutôt dans cet axe-là. J'imagine qu'on attendait peut-être Finnegan et ce gros cornerback qui, donc, malheureusement, ne viendra pas. Après, en termes d'amélioration, on peut voir ce que va donner Rashan McVille. Melvin, pardon, je n'arrive pas encore à bien le prononcer. Et donc voilà, on va voir ce que cet apport peut représenter. C'est un cornerback un peu plus grand en taille que ce qu'on a déjà en stock. Mais tant mieux, parce que quand même Butler contre les Jets, quand tu vois un type comme Brandon Marshall qui arrive et qui fait 2m40 et Butler qui fait 1m20, c'est quand même compliqué. Quand Marshall lève les mains, c'est compliqué pour Butler d'aller les chercher, quoi. Donc c'est bien d'avoir aussi des gars qui soient grands. Voilà, qui soient avantagés par la nature. Parce que voilà, il y a des joueurs qui sont assez moyens en taille, dont on dit qu'ils play big, c'est-à-dire qu'ils jouent plus grand en taille, qui ont pas mal d'envergure et qui ont de l'anticipation, enfin qui compensent. Non mais Butler, ouais, c'est ça c'est vrai. Ouais. Mais Butler, des fois quand il a un premier pas qui est des fois un petit peu lent, je trouve, et des mains qui sont pas très sûres, quoi, parfois aussi. Ouais. Donc après. Ouais, c'est vrai. On sent que sur beaucoup d'actions, il est jamais loin de faire le big play. Soit il a un petit temps de retard, soit effectivement au niveau des mains, voilà, on passe de l'interception potentielle à voilà juste une passe défendue, et ça c'est quand même surtout pour un cornerback numéro 1 dont on attend qu'il soit un shutdown corner, et qu'il n'est pas encore. Effectivement, il y a ça à améliorer. Sur beaucoup d'actions, il est souvent à deux doigts de faire le big play. Parfois il a un temps de retard, parfois c'est ses mains qui lui jouent des tours. Voilà, on espère, on est tout cœur derrière lui, on espère une progression. Il a une certaine marge de progression, et de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Ouais. Butler, je pense que quand même, ça sera un très très bon corner. Quand il arrivera à faire un ou deux turnovers, parce qu'il est tout le temps sur l'homme, donc de toute façon, je pense qu'il a un niveau, il a un énorme potentiel pour faire vraiment quelque chose de très très bien. Après, effectivement, il manque ce petit corner assez, pour moi, physique, comme il pouvait être, un Browner, quelqu'un de physique, ouais, qui permet de lutter. Quand on voyait les matchs face aux Jets, où on se faisait dominer physiquement au niveau des receveurs, il nous faudrait ce corner-là. Maintenant, voilà. Sa date, il est 22h, il est à Orange, c'est 22h01, normalement la deadline est finie, voilà, il n'y aura pas de recrue. Il n'y a rien qui a été annoncé là, sur nulle part. Nulle part, bon, donc, sauf le temps que ça s'actualise, s'il n'y a pas d'honneur. Bien entendu, s'il y a une nouvelle d'ici là, on n'hésitera pas à la mettre dans le podcast, mais à date, il n'y aura pas de trade. Alors après, peut-être qu'il y aura un free agent, affaire à suivre. Bon, en tout cas, merci pour votre réaction, et nous tout de suite, on va passer au match face aux Dolphins. -7, c'est le match face aux Miami Dolphins lors de ce Thursday Night. Rapidement, un coup d'œil au niveau des statistiques. 437 yards pour les Patriots, 270 pour Miami. Un temps de possession à peu près équivalent, 32 minutes face à 27. deux turnovers du côté de Miami, un match clairement dominé par les Patriots. Rapidement un coup d'œil sur les stats individuelles. Brady 26 sur 38, 356 yards, 4 TD. LeGarrette Blount 17 portées, 72 yards. Dion Lewis fait 19 yards. À la réception, il en fait 93. Gronkowski fait 113 yards pour 6 réceptions aussi. Edelman fait 81 yards. De l'autre côté, rapidement, du côté de Miami, 28 sur 44 pour Tannehill, 300 yards. Lamar Miller, 15 yards pour 9 portées. Première réaction rapide sur ce match, on va commencer par Claire. Ben, un match sérieux des Patriots, mais surtout, j'ai envie de dire, c'est pas tant les Patriots qui l'ont gagné, c'est plus les Dolphins qui se sont complètement foirés, hein, je trouve quand même. Ça a été un match très faible de leur part. Les Patriots ont été super sérieux, par contre, des deux côtés de la balle, j'ai trouvé. Surtout en défense quand même, parce qu'ils ont envoyé quand même 5 sacs sur Tannehill. Et bon, bah, l'attaque, de toute façon, sur les Patriots, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Ce n'est pas vraiment là que se situe le problème. C'est plus sur la dîme, et ils ont été super sérieux, j'ai trouvé. Et les Dolphins, pas terrible. Et on reparlera dans quelques minutes de Lamar Miller, mais quand même, arriver à le circonscrire à 15 yards, c'est quand même assez fou. Surtout qu'il avait fait deux matchs auparavant avec, je crois, plus d'une centaine de yards. Donc c'est quand même un beau match. Mais bon, je laisse Ali voir ce qu'il en a pensé. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que je suis ce point d'amélioration sur la défense que je suis content d'avoir vu, c'est les turnovers, en particulier les interceptions. Je trouve qu'il en manquait un petit peu. Voilà, ce dont on parlait il y a un instant sur Malcolm Butler, c'est une secondary qui manque un petit peu d'interceptions pour l'instant, je trouve. Je pense que là, ça a été un bon pas qui a été franchi dans ce match. C'est voilà, surtout ce que je trouve à dire, sachant que l'attaque, rien à signaler, on est toujours sur la même dynamique, pourvu que ça dure, et voilà. Donc voilà, un bon match sérieux, bien gagné face à un rival de division. La série, la fameuse série de victoires continue, donc tout est nominal, comme on dit, tout est OK. Une attaque qui a été extrêmement dominatrice du côté des Patriots, qui a été, que je dirais, à son habitude, extrêmement performante. Quelques petites stats. Seulement 3 jeux négatifs sur 66 jeux pendant tout le match, ce qui est assez énorme. Brady, 69e match à plus de 300 yards. C'est quand même, il devient maintenant le 3e dans l'histoire de la NFL à faire ces stats-là. Gostkowski quand même aussi pareil, énorme, avec encore un field goal à 52 yards. Nattak est totalement performante. Un mot rapidement sur attaque par rapport au match des Dolphins. C'est habituel, Dion Lewis qui a encore été extrêmement performant, qui fait énormément de bien. Surtout que Dion Lewis, en fait, quand il est là, du coup, les défenses sont un peu... Pas qu'elles sont perdues, mais c'est comme ce qu'il faisait Shane Vereen quand il était là. En fin de compte, c'est un double menace, quoi. Les défenses ont du coup plus de mal à le couvrir, parce qu'ils se disent soit on va lui lancer, soit il va faire des blocs, soit genre c'est un type, il est là, il peut à tout moment faire un big play, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et la défense des Dolphins d'ailleurs a été un petit peu à la rue, quoi. Il y a qu'à voir le score d'ailleurs. C'est ça, hein. Bah, ce qui est intéressant dans cette attaque, c'est qu'on a pas mal de joueurs qui sont capables de faire pas mal de choses. Donc, en termes de versatility, comme on dit, de polyvalence, ça offre pas mal d'options et ça ouvre pas mal le cahier de jeu offensif. Donc voilà, un beau roster offensif qui a été concocté bien soigneusement par McDaniels. Et on voit que ça porte ses fruits, que les joueurs sont interchangeables d'une année à l'autre et que la machine continue à tourner à plein tube. Et là, voilà, ça plus la stabilité du corps de receveur sur cette saison et sur quasiment deux saisons maintenant. C'est vrai que c'est bien d'avoir un peu de stabilité, parce que pour le coup, c'est quand même assez important. C'est la clé, quoi. L'alchimie entre les différents joueurs, c'est vraiment ce qui permet de faire gagner beaucoup de temps. Je me souviens de la saison d'il y a 2 ans, c'est ça, où Gronkowski revenait encore de blessure. Ouais. Donc, on a attendu la moitié de la saison et avec tous les receveurs rookies qu'on avait cette année-là, c'était vraiment catastrophique. C'était pas terrible. Etc. Ouais, donc là, c'est vraiment l'exact opposé. Quoi. Vraiment pourvu que ça dure. Et ce qui est bien aussi, c'est que Lafell est revenu pour le match et que là, pour le coup, là, il va repartir sur de bonnes bases. Et si en plus Lafell est là, qui est quand même assez grand et un vrai wide out, c'est quand même intéressant. Bah ouais, bah justement, l'AFL, l'apport de l'AFL, ça va encore plus ouvrir le cahier de jeu, parce que c'était vraiment la petite touche qui manquait à ce cocktail offensif. Et ça offre voilà une option de plus à Josh McDaniels pour ouvrir son cahier de jeu et sachant qu'il va falloir beaucoup varier parce que quand on entame une saison comme ça avec la perfect season, on sait que en ligne de mire, on sait que chaque adversaire, plus la saison avance, plus notre équipe est scrutée et étudiée. Donc voilà, le renouvellement est indispensable et je pense que Josh McDaniels et Bill Belichick ont les armes en main. Après, sur le niveau de l'attaque, moi, globalement, elle a été très très bien. Elle était comme d'habitude sur ça, j'ai pas de souci. Néanmoins, je mettrai quand même un petit bémol sur le jeu de course. Parce que Pas on fait assez. pas assez, ou plutôt, c'est pas qu'on n'a pas assez, c'est qu'on n'est pas performant. Parce qu'on fait 95 yards, sauf qu'on fait quand même que 3,7 yards par portée, ce qui est quand même faible. Moi, à mon avis, je trouve ça très faible. Alors après, au niveau de la ligne offensive. Oui, mais la D des Dolphins, c'est quand même pas. Bon, on a dit ce qu'on a dit au début, ils ont leurs problèmes, etc. Surtout depuis que. Bon, ils se sont grave améliorés, en fait, depuis que Philbin est parti, en fin de compte, puisque Campbell, Clairement. maintenant, qui a pris la place, ce type-là, il sait galvaniser les troupes. Donc, du coup, c'est quand même pas la même D qu'il y avait depuis quelques matchs qui étaient vraiment pourris. Là, la D des Dolphins, elle reprend un peu de la gueule, si je peux me permettre. Même si elle s'en est pris 36, bon, c'est quand même pas non plus une défense complètement poreuse, Non, en bien fait. sûr, sachant quand même que pour la petite info, on a constamment doublé au niveau de la ligne offensive sur Sue au niveau de la ligne offensive. Donc c'est sûr que d'enlever déjà un bloqueur pour la course, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Voilà, c'est le petit bémol que je mettrais au niveau de, en tout cas de cette attaque sur ce match-là. Après, ça ne reste qu'un match, on verra après par la suite sur le reste de la saison, mais en tout cas, l'objectif reste toujours le même. En tout cas, moi, ce que je disais sur ma première mission, c'est d'installer absolument le jeu de course, qui soit ami. Mais après, il faut voir aussi quel type de jeu de course. J'ai lu un article que j'avais trouvé très intéressant, d'ailleurs, je voulais vous en parler, où on parlait en fait de la façon que McDaniels a d'utiliser le Garrett Blount, en fait, ce que j'ai lu et ce que je trouvais assez juste, c'est qu'en fait, quand on lui donnait la balle, souvent il partait sur les extérieurs, alors que Blount, la base de son jeu, c'est quand même trouver des interstices au milieu et foncer et trouver les petits espaces. Tandis que si tu le décales sur un côté, aller courir sur les extérieurs, évidemment, c'est pas son point fort, quoi. Donc ça aussi, il faut plus peut-être d'adaptation à ce point de vue-là. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, donc Non, mais on t'écoute. effectivement, ça fait, excuse-moi, Cédric, mais ça fait justement partie de ces variations, quoi, en fait, cette polyvalence et de cette versatilité qu'on a chez pas mal de joueurs, ce qui fait qu'on peut parfois, de temps en temps, parfois avec parcimonie, les utiliser vraiment dans un rôle dans lequel on ne les attend pas a priori. Et d'ailleurs, le Garrett Blunt avait même marqué un touchdown de réception, ce qui est assez rare. Donc voilà, ça fait un peu partie de cette imprévisibilité, je pense, que Josh McDaniels recherche. Absolument. Et je pense qu'il va falloir, je pense, de travailler pour vraiment aller loin dans cette saison de ce côté-là, le jeu de course. Maintenant, on va quand même parler aussi un petit peu de la défense, qui a été très performante. Quand même, maintenir Miami à 7 points après leurs deux précédents matchs, certes, il y en a un qui était face à Houston. Quand même un jeu au niveau de la passe qui est assez performant et de maintenir à 7 points, ce qui est assez énorme, mais surtout, Pierre l'a souligné tout à l'heure, c'est maintenir Lamar Miller à 15 yards, ce qui est quand même extrêmement faible. Donc, de ce côté-là, on peut dire qu'évidemment, la défense a tenu son rang. Et je voudrais quand même terminer en parlant de la défense, et après, je vous laisserai la parole. Petite stat, l'interception de Logan Ryan qui fera très plaisir à notre cher président, et une interception encore de Darmon. Ça, par contre, ça me fera plaisir, parce que je n'arrête pas de dire que Harmon serait, au cours de la saison, une machine d'interception de quatrième quart-temps. Et t'as On raison. est peut-être souvent l'occasion de plier les matchs assez tôt, donc les attaques adverses auront tendance à beaucoup lancer. Bon, c'est un peu des stats faussées, mais ça fait toujours plaisir. C'est un joueur que j'apprécie pas mal, qui est dans la connexion des Old Girls, et c'est un joueur très intelligent, qui assure pas mal et qui donne pas mal de garanties au poste de free safety et qui permet pas mal de nouvelles options au niveau de la secondaire. C'est un joueur que j'apprécie pas mal. Juste pour finir la petite stat sur quand même ce Ryan et Harmon, ils sont quand même classés 5e au niveau de la NFL, au niveau des interceptions, avec 3 interceptions chacun, à égalité avec un certain Darrell Revis et Aqil Talib. Ça reste quand même de très bonnes stats. Après, ça ne fait pas tout sur un match, mais ça reste pour ces deux joueurs-là de très bonnes stats, même si certains diront qu'il y en a qui sont mauvais ou en tout cas sont encore alternatifs. Après, ils sont pas entourés tous de la même équipe. Hein. Tu peux pas comparer les squads défensives des Jets et des Broncos avec la nôtre. Les Jets, on a beau les détester, etc. C'est quand même défensivement, c'est quand même pas des blaireaux, quoi. Donc du coup, je sais pas si c'est vraiment tout à fait comparable avec eux, mais ils ont. Ce qui est marrant quand même, c'est de voir que Butler n'a qu'une interception, par exemple, tandis que Ryan et Harmon, eux, en ont trois chacune. Ça, pour le coup, je trouve ça intéressant. Mais son taux d'interception en Super Bowl est pas mal, 50%. Ça, c'est vrai. Ça fait une belle stat. Il a été quand même assez clutch. C'est clair. Pour le coup. Et donc, rapidement, un peu votre réaction de manière globale sur cette défense face à Miami, et notamment, justement, maintenir Lamar Miller à 15 yards. Ce qu'on a déjà dit, en fait, hein, c'est une très bonne défense. Au niveau des sacs, je trouve ça intéressant. Otani, il a quand même des jambes qui sont pas dégueulasses, et en général, il arrive toujours à se sortir par des petits trous de souris. Donc j'ai trouvé que 5 sacs, c'était quand même pas mal sur lui. Roddy a été vraiment, vraiment très efficace. Et c'est quand même assez incroyable de laisser Lamar Miller à 15 yards au sol alors qu'il a enchaîné les deux performances à plus de 100. Donc ça, surtout sur le coup, ça a été vraiment une très bonne opération. Surtout, après, il faut aussi voir que j'ai trouvé notre Roddy a fait un beau travail, mais il faut aussi parler des Dolphins parce que, bon, c'est bien de le voir de notre côté, mais chez les Dolphins, t'as Cameron Wake qui n'est plus là. T'as... De leur côté, Tannehill, j'aime bien, il fait des matchs sympas, mais je le trouve très inconstant et très inconsistant. Donc, il a tendance des fois à lancer des trucs alors qu'il devrait peut-être aller au sol et attendre que l'orage passe. Et bon, après, on a mis la bonne pression devant, c'était bien, mais il faudra. Moi, les vrais tests que j'attends, c'est face aux Broncos. Là, on pourra vraiment. Ah ouais, effectivement, j'ai pas pu voir le. Ben, c'était le Sunday night, mais apparemment, si avec la défense, Peyton Manning commence à retrouver son rythme de croisière, parce qu'il était quand même assez méconnaissable depuis le début de la saison, là, ça, effectivement, pour le coup. On pourra peut-être considérer qu'on les a un peu sous-estimés en début de saison et que ça risque de vraiment devenir le rival numéro 1 dans cette ouais. FC. Ouais, c'est clair. Tout à fait d'accord. Ouais, bah maintenant, j'ai envie de vous poser la question, moi en tout cas, qui m'est venue à l'esprit en venant ce match. Est-ce que pour vous, au final, cette victoire face aux Dolphins, c'est une victoire de référence ou c'est juste une victoire en totalement trompe-l'œil parce que les Miami est totalement passé au travers? Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Ali. Moi, je dirais pas que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est pas totalement une victoire de référence parce que c'est une confrontation de division, donc il y a toujours un enjeu particulier. Contre Dolphins, il y a toujours un enjeu particulier, comme les Jets ou comme les Bills. À chaque fois, il y a une pression supplémentaire, donc c'est toujours pas pareil. Mais non seulement il y avait ça, mais aussi référence, oui, parce que l'attaque, elle envoie du lourd et à chaque fois, ça marque des gros scores. Mais référence. Face à une équipe qui a été vraiment pas extraordinaire. Je sais pas si vraiment de référence, mais face à des grosses machines avec des grosses dits et des grosses attaques, je suis pas vraiment sûr qu'on se retrouvera avec les mêmes scores que ce qu'ils ont fait face aux Dolphins. Ouais, effectivement, bon, ça reste un match de division et donc le deuxième consécutif après les Jets. Donc c'est toujours des matchs donc où effectivement la différence de niveau ne se reflète pas toujours sur le terrain. Moi, ce que je suis content, c'est d'avoir quand même vu de beaux matchs ouverts, alors que souvent c'est des matchs assez crispés avec peu de points. Ouais, et là, ça fait deux beaux scores offensifs pour notre attaque à plus de 30 points deux fois consécutifs. Ça peut peut-être être un petit peu prétentieux. Mais avec le niveau de Patriots cette année, des fois, ça ne permet pas forcément d'évaluer le niveau réel d'une équipe. Il y a des équipes qui ont vraiment un niveau quand même assez élevé et assez reconnu en ce début d'année, qui, quand elles passent à la moulinette des Patriots, des fois, ça fausse l'idée qu'on en avait. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que ça montre qu'on a des ressources et qu'on arrive à trouver des solutions dans tous les matchs. Par contre, ce qui est bien, si je peux me permettre de rajouter, j'avais noté deux trois stats. C'est vrai que depuis le début de la saison, quand même, notre défense, elle s'est quand même sacrément solidifiée, même si il y a des absents. Mais quand même, à Pittsburgh, quand même, on s'est pris 464 yards dans la gueule, quoi. C'est quand même pas négligeable. Et les matchs qu'on a fait contre les Bills, excusez-moi, c'était quand même assez dégueulasse à regarder au niveau de la défense. Pas dégueulasse, mais disons que normalement, si tu le fais sérieusement, il y a des choses des points qui n'auraient jamais dû être marqués. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Mais là, depuis le début de la saison, sur notre attaque, sur notre défense, j'ai vu qu'ils arrivent à garder le rushing contre eux à peu près en dessous de 80 yards. Donc ça, c'est bien. C'est contre la passe, en fait, qu'on galère. contre le rush, ça va. Et contre la passe, c'est catastrophe. Enfin, c'est la cata, quoi. Bah, typiquement, en fait, c'est le revers de la médaille de ce que j'évoquais sur Duran Harmon, qui pourrait être voilà cette machine à interception du quatrième carton. C'est que effectivement, quand on mène très tôt au score, l'équipe adverse a tendance à beaucoup balancer la passe, quitte voilà à se faire intercepter. Du coup, on prend pas mal de yards, beaucoup plus que ce que la physionomie du match pourrait laisser penser le score final. C'est peut-être pas forcément une stat très inquiétante. Ouais, ouais, non, c'est vrai que t'as raison, c'est vrai qu'il regardait ça comme ça, mais tout ce qui m'inquiétait, c'est la défense contre la passe. La défense contre le rush, on est quand même pas mauvais, mais contre la passe, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit travailler. Et c'est là-dessus que je vois la victoire en trompe-l'œil, comme tu disais, Cédric. Même s'ils n'ont pas marqué au lancer, mais bon. On a fait un bon match en attaque, ça, mais je dirais que c'est Patriots à 36 points, c'est assez habituel. Maintenant, voir les Dolphins à ce niveau-là, au niveau du scoring, oui, c'est une bonne performance de notre défense, je suis assez d'accord. Mais je n'y crois pas. Ils sont passés au travers quand on voit le safety qu'ils font, qui est assez, quand même assez magnifique, ça, il faut quand même le souligner. Je pense qu'à un moment donné, ils sont passés. Enfin, pour moi, l'impression que ça me donne, c'est que ça va me passer au travers. Parce que quand on a des, quand même, Matthews, Landry, enfin, des joueurs comme ça, je pense qu'à un moment donné, ils se sont éteints. Alors qu'ils étaient sur une bonne lancée, pourtant. Ils étaient sur deux victoires. Ouais, ils étaient sur une bonne lancée. Est-ce qu'on les a pris à la gorge, qu'ils les a gênés? Mais à un moment donné, oui, ils sont complètement déconcentrés. Au vu les stats et tout, même si on a une très bonne attaque, je peux me faire taper sur les doigts, mais maintenir Lamar Miller à 15 yards, même si on a un très bon front 7, ça, c'est plus Lamar Miller et la ligne offensive de Dolphins s'est passée au travers, plus qu'une hyper grande performance des Patriots en défense, pour moi, je pense. C'est sûr. Ouais, et d'ailleurs, c'est 15 yards en rush, excuse-moi, allez, je t'ai coupé. C'est 15 yards en rush, c'est genre le quatrième total le plus faible, enfin, c'est le quatrième score le plus faible qu'ils aient jamais fait dans l'histoire de l'équipe, quoi. Ouais, bah, c'est pas mal. Trompe-l'œil. De toute façon, les premiers tests vont vraiment arriver. Je pense au frère Manning, tout simplement. Déjà, Eli, je crois que ça va bientôt arriver. C'est le prochain, le deuxième ou après, après, c'est après les skins, il me semble. Hein. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est après les skins. Voilà, donc Eli Manning, avec son début de saison, bon, un petit peu en dents de scie, mais qui a quand même fait des flashs de très bons. On l'aurait peut-être confondu avec son frère par moment. C'est une confrontation qui va déjà valoir le détour. Quand on sait aussi l'antagonisme des deux derniers Super Bowls, des deux Super Bowls qu'on a perdu contre ces maudits Giants. Je pense que voilà, ça va être le premier test après Peyton et on aura vraiment un aperçu réel de ce qu'on vaut et de notre potentiel pour cette fin de saison et pour les playoffs. Écoutez, merci par vous deux. Il me reste à vous demander vos tops et vos flops contre ce match. On va commencer par Claire. Alors moi, pour mon top, ça va être la défense des Patriots, que j'ai trouvé très bonne contre la course, particulièrement contre Lamar Miller. Donc mon top, c'est la défense, évidemment. Et mon flop, ça sera une statistique, en fait, que j'ai trouvée en regardant un petit peu les stats, hein, justement, du match. C'est l'efficacité sur les troisièmes downs. Je trouvais qu'un 3 sur 12, soit 25%, c'était pas terrible. Surtout, je trouvais pas ça terrible. Donc 3 sur 12, efficacité sur down, pas terrible. Donc ce sera mon flop pour les Patriots. Oui, donc moi, à mon tour, au niveau de mes tops et des flops, en top, je vais pas être original par rapport à la semaine dernière. Je vais encore rendre hommage à Gostkowski qui a encore été extrêmement performant. Qui a encore passé encore un field goal de 52 yards. C'est un joueur clé dans notre effectif. On le souligne, je pense, pas assez. Et il a encore été extrêmement performant. Et donc voilà, ça c'est mon top. Et au niveau de mon flop, je vais mettre en avant le jeu de course des Patriots où faire 3,7 yards par portée, c'est extrêmement faible. Il va falloir être beaucoup plus efficace que ça sur les matchs à venir pour soulager Brady et pour pouvoir garder la possession du ballon. Donc voilà, petit flop au jeu de course. Bah voilà, je suis assez d'accord sur le flop. Donc bon, je vais commencer par le top quand même. Je vais pas faire très original. Je pense que vous avez un peu tout dit, mais bon. Pour le principe et parce que c'est un des chouchous du French Fan Club des New England Patriots, je pense à Edelman avec ses deux TD. C'est pas mal pour son moral et pour la suite de la saison, vu qu'il était un petit peu en baisse de rendement. C'était un petit peu, je trouve, Amendola qui était en train de prendre le dessus dans ce rôle. Au niveau du flop, je suis assez d'accord. Un petit bémol là-dessus, je t'en avais déjà parlé. Il faut voir sur la longueur de la saison si ce genre de match à faible course, ça démontre vraiment une déficience, ou si c'est une option plan de jeu offensif qui correspond vraiment aux circonstances de ce match. C'est vrai que tu as raison, Ali, sur ce rendu de seconde ça, parce qu'en en fin de compte, l'année dernière, quand on a collé 5 ou 6 TD à la course contre les Colts, je ne sais plus. Voilà, c'est ça. C'était contre les Jets, au fameux Great Canadian Bar, avec Cédric. On avait eu ce débat, justement, où là aussi, le rush était assez faible. Pour moi, bon, Cédric est vraiment très, très axé sur ça et très pointueux sur ça. Et moi, j'avais considéré, au contraire, qu'on avait volontairement délaissé le jeu de course. Ah, je suis d'accord avec toi, surtout contre les Jets. C'était vraiment un choix de circonstance. Surtout que je crois qu'on avait perdu Chuck Mason juste avant le match, qui est vraiment un pion important pour le jeu de course, de plus en plus important. À voir. Écoutez, merci en tout cas pour cette analyse face au match des Dolphins. Maintenant, place au débat. Avec une fiche de 7-0 et avec un calendrier favorable, les Patriots sont bien partis pour remporter tous leurs matchs cette saison. Néanmoins, au vu des dernières rencontres qui s'est passé au niveau des Patriots, voilà, la question qu'à un moment donné, les Patriots vont-ils faire preuve de suffisance à l'abord des prochains matchs, quand on voit le match quand même avec énormément d'écart, notamment face aux Dolphins. Est-ce que les Patriots vont à un moment lâcher sur un match de la saison où ils vont se sentir très forts et à un moment donné, vont se déconcentrer, être moins attentifs, dropper des ballons, faire moins bien les courses et potentiellement, ben, justement, aller enchaîner des défaites ou leurs erreurs et leurs faiblesses, que ça soit effectivement au niveau des corners, clairement, au niveau, tu en as parlé clair, des troisièmes d'armes où les statistiques sont pas au niveau d'une équipe qui va prétendre aller très loin si on n'est pas capable de convertir nos troisièmes d'armes, ce qui faisait aussi notre force les années précédentes. Ma question pour vous lancer ce débat, est-ce que faut-il craindre à un moment donné dans la saison que les Patriots se relâchent? Non, alors sur ce sujet-là, je crois que il y a plein de facteurs qui font que pour l'instant on est à 7-0. Le facteur numéro 1, à mon sens, c'est les adversaires qu'on rencontre depuis le début de la saison, parce que c'est quand même non plus pas glorieux. On n'est pas en train de rencontrer des grosses écuries. Les grosses écuries, on les a prises en pré-saison et on s'est fait un petit peu cartonner, mais c'est normal parce que c'est la pré-saison. Mais quand même, vu le calendrier qui nous reste, les matchs de division. Et en match vraiment intéressant sur lesquels on peut craindre les Giants et les Broncos. Et du coup, est-ce que c'est une bonne chose de penser à est-ce qu'on va arriver à faire 16-0 ou pas? Je crois que le problème n'est même pas là, et je crois surtout aussi que c'est même pas une question d'être suffisant ou pas, parce que je crois que Bill Belichick, s'il voit que ses joueurs commencent à être un peu suffisants, il les bench directement et il s'encombrera pas de types qui se déconcentrent et qui se laissent aller. Et puis, c'est pas la mentalité, je pense, des Patriots. Donc, ça d'un côté. Et je serais pas contre se prendre une petite défaite par les Broncos, par exemple, histoire de remettre un petit peu tout le monde d'aplomb. Après, ce serait bien aussi que les Broncos perdent, histoire qu'on reste numéro 1 en AFC. Mais je crois que la course à la saison pas parfaite, on a bien vu ce que ça menait au final, hein, parce que ce qui est important, c'est les bagues, hein, c'est pas du tout de gagner un record de 16-0. Quand on a fait un 16-0, on s'est fait battre au Super Bowl, donc je crois qu'au final, peu importe vraiment le record qu'on fait, et l'important, c'est de viser la première place de l'AFC, viser le Super Bowl, et après on verra. Je crois qu'il faut pas trop se projeter, il faut prendre le match comme ils viennent, chacun un par un. Et voir. Donc, il ne faut pas de suffisance, justement. Chaque match, les reprendre de zéro. Et voilà. Je crois que c'est la seule chose que je. Moi, je pense qu'il faut faire quand même attention parce que, mine de rien, moi, quand je vois le match face aux Dolphins, on est effectivement extrêmement performant. On voit Brady qui part à la conquête pour rouler sur tout le monde tellement qu'il est vexé. À un moment donné, de voir un match qui se déroule trop bien quand c'est pas une équipe qui est dans notre division, attention. Moi, je pense qu'à un moment donné, il peut arriver un match où c'est pas nos faiblesses qui vont faire qu'on va perdre. C'est qu'à un moment donné, je vois bien un match dans la saison où les Patriots vont se sentir sur une équipe qu'on doit gagner assez aisément, qu'ils se relâchent et se faire remonter, et quand ils vont vouloir réagir, ils vont forcer leur passe, il va y avoir des interceptions. Ouais, mais contre qui tu veux que ce soit? Parce que quand même, dans les équipes qui nous restent, comme tu dis, faciles à battre, on a quand même... allez, il y a les Texans, il y a les Titans, et c'est tout, parce qu'après, on se retape après, évidemment, les Bills, les Jets et les Dolphins, et ça, on sait très bien, de toute façon, ces trois matchs, c'est jamais très facile, et les Broncos, ça sera certainement pas une partie de plaisir, de toute façon, ils sont dans la AFC aussi. Les Eagles, alors ils sont bien gentils avec Sam Bradford, mais ça n'avance pas depuis le début de l'année. Donc je sais pas, vraiment, est-ce que vraiment tu penses qu'on va se relâcher ou peut-être la semaine prochaine, à voir, tout à l'heure on va en parler. Ouais, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, notamment je pense qu'il y a un risque au niveau de la semaine prochaine, techniquement les Redskins sont capables de faire des comebacks. Et je mettrai pense. Alors Houston, ils alternent le bon, le moins bon. C'est vrai qu'ils sont extrêmement en difficulté, qu'ils n'ont pas beaucoup de grand monde, mais sur un match où la ligne offensive est un petit peu moins bien, Brady se fait énormément saquer. Je ne pense pas, mais typiquement le match piège. Bon, on va reparler donc. Contre les Texans, tu penses que c'est le match non, piège? Ça sera le match face à Washington. Pour moi, le match piège c'est le prochain, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais je pense que le match contre Washington est le match piège par excellence, surtout après le match qu'on a fait face aux Dolphins, très très clairement. Donc de ce côté-là, je pense qu'il peut y avoir un risque important d'un moment donné de suffisance, même si on a un grand coach comme Bill Belichick qui derrière va les pousser pour pas que justement que ça se relâche et tout. Il y a un moment donné où il y aura dans la saison un relâchement. Les Redskins, c'est le match pièce par excellence et on prendra, je pense, une ou deux défaites dans la saison dues à nos lacunes, notamment à la passe. Voilà, parce que clairement, défense. Alors, actuelle, la date sur corner. Alors, peut-être qu'elle va s'améliorer, peut-être que. Moi, j'y crois pas. Ce qui peut se passer, et Ali, on en parlait hors antenne, et je pense qu'Ali, j'aimerais bien qu'il détaille un peu ce point là-dessus. On va peut-être changer notre type de défense, alors encore. Bill va nous inventer encore une nouvelle révolution dans le monde de la NFL, c'est défendre à 3 safety pour combler cette lacune au niveau des corners. Oui, mais alors au niveau des linebackers, tu vas faire comment? Alors, si tu mets 3 safety derrière, au niveau du personnel, donc t'en enlèves un sur le devant, et il faut que devant, ça envoie du lourd, quoi. Alors certes, ça envoie du lourd, t'as Hightower, Collins, etc., qui sont des gros monstres, et Jones aussi, mais comment tu veux faire t'en enlèves un et tu mets 3 safety derrière? Alors j'aimerais, voilà, c'est Ali, si tu peux nous raconter un peu... Il y a plusieurs options. Ouais. Donc, on parle forcément de nickel défense à 5 derrière. Mm-hmm. Donc ça peut être du 4-2-5 ou du 3-3-5. Du coup, tu mettrais qui en safety, en 3 safety? Tu mettrais qui en positionnement en safety? Non, tu en mettrais... fait, l'idée, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, t'as du Aaron Herman qui est de plus en plus en free. Et t'as Chung et McCulty qui ont un rôle hybride, vraiment mi-corner, mi-safety, des safety vraiment excentrés. Donc, McCourty, moi, je l'aime pas en corner. J'aime pas McCourty en corner. Ouais, mais c'est plus. Enfin, c'est... Ouais. Ah non, pour moi, c'est pas qu'il est, je vais pas dire hors niveau, dans le sens où il est mauvais. C'est juste que, il sait plus jouer. C'est pas son rôle, il sait plus jouer là. Donc, non, ça serait, alors là, pour moi, ça serait vraiment une grosse erreur de le mettre là. Je préfère à ce moment-là, quitte à me faire taper, même par le président, à mettre un Logan Ryan ou mettre un Coleman, que de mettre McCourty. Ça serait encore pire. Je pense que ça serait encore pire. Après, une Bill We Trust, de toute façon, Ah oui, c'est une certitude qu'avec Bill, ils nous trouveront des solutions. Voilà, je pense que de toute façon, ils avaient imaginé cette possibilité de ne récupérer personne en trade. Donc, est-ce que ça sera par la free agency ou est-ce qu'ils innoveront avec une nouvelle défense? Mais voilà, moi en tout cas, c'est vrai que j'ai. Bon, on va pas revenir sur le débat de cette défense, mais de manière assez générale, oui, moi j'ai peur qu'on ait un peu une défense comme on avait il y a 2 ou 3 ans. Voilà, où on prendra des big plays parce que on est obligé de combler les lacunes des corners et donc du coup c'est manger des big plays. Ça, de toute façon, ça on le verra vite, que ce soit face aux Broncos, notamment je pense aussi face aux Giants où Manning c'est son jeu d'aller chercher tout de suite les big plays. Oui, pas, en plus, Peyton maintenant chercher les big plays et les grandes passes, c'est bien mignon, mais il lance à 20 yards, mais pas plus. Hein. Ouais, ça, je pense que c'est surtout Eli Manning, c'est notamment là où ça va. Bah, vu Eli, en plus le match qu'il a envoyé contre les Saints, bon d'accord, c'est la défense des Saints, mais quand même. Donc je pense que voilà, ça va être rapidement de ces juges de paix à ce niveau-là. Et je pense qu'on aura beaucoup de réponses sur le niveau réel des Patriots plus tard dans la saison. Parce que là, voilà, on a eu un calendrier extrêmement facile. Maintenant, voilà. Moi, j'espère qu'ils vont continuer à la jouer sérieusement pour que justement les défaites qui vont arriver, et je pense qu'il y en a qui arriveront, soient des défaites à cause de nos lacunes qu'on va pouvoir travailler, très clairement. Effectivement. Je pense que vraiment cette défaite, bon, on ne va pas non plus la souhaiter. Non, bien sûr. C'est un scénario idéal avec une saison à 19-0 pour laver l'affront de 2007-2008 et voilà, finir le travail qui n'a pas été accompli. Mais je pense que clairement, au niveau de l'équipe, ce n'est pas un objectif. Brady l'a dit. Et c'est vraiment quelque chose que je pense qu'ils doivent, ils doivent vraiment s'enlever de la tête. Voilà, c'est vraiment match après match, sachant que tu termines ta saison par deux matchs de division à l'extérieur en plus. Donc, si on arrive à 14-0, quel est le raisonnement? Est-ce que, sachant qu'on sera par définition déjà qualifié en tant que vainqueur de division et avec de grandes chances d'avoir déjà gagné la première place de la conférence? Est-ce qu'on fait tourner ou alors est-ce qu'on joue le jeu jusqu'au bout, voilà, pour finir le travail. Donc voilà, ça serait, c'est un piège à éviter. Après, faire tourner, est-ce que c'est pas dangereux? Je comprends ce que tu dis, mais c'est vrai que faire tourner, c'est ça peut paraître avantageux de dire on repose nos starters, mais si tu fais tourner, les types après ils sont plus dans le rythme en fait. Ça, effectivement, il y a souvent ce débat. Il y a des dans les matchs de play-off qu'on a perdu ces dernières années, sur lesquels on ne s'attendait pas après une saison brillante. Il y a justement eu ce débat. Est-ce que déjà le fait de terminer dans les deux premiers seeds de ta conférence et donc d'être en bail en première semaine, est-ce que ça ne te dessert pas en termes de rythme? Donc ouais. En gros, voilà, est-ce que tu ne perds pas plus en termes de rythme que ce que tu gagnes en termes de d'économie des accus, quoi, de rechargement? Il y a voilà, il y a ce un vrai débat. Attention, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que notre bye week est déjà passée. Elle était très très tôt dans la saison. Donc ouais. Ça aussi, en termes de travail, c'est pour ça que bien évidemment, je leur souhaite pas. Hein. Je veux pas absolument que les Patriots perdent, loin de là. Mais perdre rapidement permettrait d'avoir plus de temps pour travailler. Parce que justement, on n'a pas cette bye week pour combler les lacunes et travailler à fond toute une semaine. Donc, je pense qu'il est intéressant de ce côté-là de... Je vais pas dire assurer, quoi. S'il y a une défaite, qu'elle arrive bien rapidement pour pouvoir travailler sur les weeks qui restent après par la suite. La bye week arrive très, très tard. Enfin, elle est arrivée très tôt, cette saison. Donc, ça risque de fausser parce que je crois que ces dernières années, on l'avait souvent en semaine 8-9. Ouais, donc ça change forcément le scénario d'une saison et la planification de la charge d'effort, etc. Donc après, en parlerait sûrement mieux que moi, parce que c'est assez proche de son domaine. Donc voilà, donc ça change pas mal les choses et à voir comment ils vont gérer ça. Mais effectivement, je reste sur ça. Il faut vraiment pas qu'ils se mettent la pression avec cette histoire de perfect season. Parce que l'objectif, on le connaît, on l'a identifié. Clairement, la perfect season, c'est vraiment voilà, la petite cerise sur le gâteau, mais c'est pas un objectif en soi. Exactement. Non. Voilà, ça arrive, comme Bradley, hein, c'est exceptionnel. Ça se cherche pas. Hein. C'est tu le prends match après match, tu l'apprends. La perfect season, c'est la conséquence d'avoir gagné 16 matchs les uns après les autres, quoi. Voilà. C'est ça, et en ayant bien travaillé toute la saison, et maintenant, voilà, c'est en tout cas d'être sérieux à tous les matchs et pas être victime d'un relâchement notoire parce qu'on est trop fort et parce que on a battu Miami qui était une équipe assez très correcte à la passe et tout s'est bien passé. Donc voilà, y a encore énormément de boulot à accomplir. Il y a des lacunes qui sont sanctionnables pour moi, à mon avis, qui seront sanctionnées en playoff parce que voilà, il y a certains clés qui font que tu es champion et que voilà, tu réussis tes matchs en playoff. Je l'ai évoqué en début de débat. Troisième down, les menaces sur les passes, le long pass et tout, voilà, c'est des choses qui sont rédhibitoires en playoff. En fait, très simplement, quand on est voilà, dans la perspective de la perfect season, je pense que c'est vraiment un handicap en termes de renouvellement du cahier de jeu. Parce que limite, en général, on considère qu'il faut avoir deux tendances au niveau offensif et défensif, une pour la saison régulière et une pour les playoffs. Et limite là, dans le scénario de la perfect season, il faudrait peut-être en avoir trois, un pour le début de saison, un pour la fin de saison, pour surprendre les adversaires qui vraiment t'attendent le couteau entre les dents, pour finir cette perfect season, et un troisième donc pour les playoffs. Donc c'est limite, voilà, ça se transforme vraiment en boulet et en chasser cet objectif de la tête. Merci pour ce court débat et en tout cas pour un peu ça permet de savoir un peu s'il y a une crainte à avoir au niveau de la suffisance ou pas. Maintenant on verra bien déjà en tout cas sur le prochain match et on espère en tout cas les Patriots gagnent les matchs après match. Enfin, après on verra bien ce qui en déroulera. Une défaite n'est en rien rédhibitoire, c'est juste savoir à quoi est due cette défaite. Voilà, moi je pense que la principale préoccupation quand même c'est la blessure à des postes stratégiques et voilà, je pense que ça sera peut-être le débat d'une prochaine émission. D'ailleurs, j'ai lu à ce sujet un article aujourd'hui qui parlait en fait de l'obligation que fait Bill à tous ses joueurs, en particulier sur tout ce qui est O-line et D-line, de porter des braces sur le genou. Des. Comment ça s'appelle? Tiens, faudrait demander aux presse. J'ai un trou, putain. C'est un ami. Oui, en fait, Bill apparemment oblige tous les joueurs O-line, D-line à porter une sorte de genouillère de protection, en fait. Voilà, ce qu'il avait bradé, etc. Il les oblige à porter ça et il dit que statistiquement, il voit quand les joueurs à la fin de chaque match, il voit que les barres qui tiennent les genouillères sont tordues. Donc il dit, je suis quasiment sûr que avec ce système-là, même si c'est moins agréable à porter, on évite pas mal de blessures. Et quand on voit le nombre de genoux qui se font toutes les saisons, là encore cette semaine, c'était la catastrophe. Quand on voit le nombre de ACL, MCL que qui se font les joueurs, je pense que c'est une solution très sage et il sait vraiment manager son roster à ce niveau-là. Oui, c'est clair que de toute façon, les blessures jouent en grosse partie pendant la saison. Excuse-moi Cédric, ça me fait penser que Trey Jackson est passé vraiment pas loin, je ne sais pas si vous avez vu des images. Hyper extension, mais sur le moment, j'ai vraiment peur. Donc ouais. ça prouve peut-être l'efficacité du procédé Bill Belichick. En tout cas, merci pour ce court débat et tout de suite, nous allons passer aux chroniques. Et maintenant pour cette troisième partie d'animation, place aux chroniques. Donc vous allez retrouver tout de suite Ali qui va nous parler de trade dans la chronique de l'histoire des Patriots. Étant donné l'actualité brûlante de cette soirée avec cette deadline de trade, j'ai pensé pour cette chronique historique revenir sur deux trades qui ont marqué l'histoire des Patriots de l'ère Brady Belichick. Je me suis intéressé aux acquisitions de Randy Moss en 2007 et d'Akib Talib en 2012. Donc Randy Moss, wide receiver issu de la faculté de Marshall, superstar universitaire, drafté en 1998 par les Vikings du Minnesota à la 21e position du premier tour. Il y jouera ses 7 premières saisons professionnelles avant de rejoindre les Raiders d'Oakland en 2005, puis donc les Patriots en 2007, dans le cadre d'un trade réalisé durant la draft contre un 3e tour. Grand gabarit longiligne de 6 pieds 4, soit environ 1m95, qui couvrait le 40 yards en 4 secondes 25, ce qui est assez considérable pour un tel gabarit, ce spécialiste des tracés profonds allait prendre part à l'une des plus belles pages de l'histoire des Patriots. Cette même année, Wes Welker, en effet, rejoignait l'équipe pour constituer cette armada offensive inarrêtable qui allait mener les Pats à une saison régulière parfaite, la seule de l'histoire sur 16 matchs, et Tom Brady a un record de 50 TD qui tiendra jusqu'en 2013. Au cours de cette saison, Randy Moss engrange 23 touchdowns, ce qui constitue encore un record de saison à ce jour, ainsi que 1483 yards. On a en mémoire quelques touchdowns gigantesques comme celui qui donnait la victoire en fin de match de la Week 17 face aux Giants et du même coup, le 50e touchdown lancé de Brady et le 23e attrapé de Moss. On a hélas également en mémoire cette Hail Mary Pass de Brady, trop courte de quelques pouces, qu'on aurait tant aimé le voir attraper pour couronner cette saison parfaite d'un Super Bowl que décidément personne n'imaginait les Patriots ne pas remporter. Malgré des statistiques honorables, puisqu'il accumulera encore 27 touchdowns en 2 saisons et 4 matchs, soit 50 au total pour les Patriots, les années suivantes seront moins heureuses car Randy perdra son quarterback titulaire dès le début du premier match de la saison suivante, et malgré un bilan de 11 victoires et 5 défaites, l'équipe échouera aux portes des playoffs. Tandis que l'année d'après, en 2009, malgré un retour fracassant de Tom Terrific, les Patriots seront éliminés prématurément en playoffs. Randy Moss sera cédé en début de saison 2010 à l'issue de la semaine 4 dans un trade crève-cœur en direction de sa première équipe, les Vikings, essentiellement pour des considérations salariales. Aqib Talib, cornerback très physique de 6 pieds 1, soit environ 1m85, spécialiste de la pressman cover, drafté en 20e position du premier tour par les Buccaneers de Tampa Bay. Son trade en direction des Patriots à quelques jours de la deadline de trade 2012 allait modifier radicalement le rendement de la secondary des Pats dans la seconde partie de cette saison régulière, offrant enfin à cette défense le shutdown corner tant attendu. Malheureusement, Talib se blessera en cours de match lors de la finale de conférence cette année-là. La saison suivante démarre pour Aqib de manière tonitruante avec 4 interceptions. Il est alors considéré comme le shutdown corner le plus en vue de ce début de saison 2013. Hélas, il se blessera à nouveau au ischio jambier, au sommet de sa forme, ce qui le privera de 3 matchs, puis se reblessera malheureusement une troisième fois en l'espace de 2 ans, en finale de conférence comme l'année précédente. Les points communs de l'histoire de ces deux joueurs avec les New England Patriots. D'abord, ce sont deux joueurs caractériels que la Patriot Way, la fameuse méthode de discipline et d'éthique de travail chère à Bill Belichick, a permis de relancer dans des moments cruciaux de leur carrière. Et puis, pour les deux, on gardera hélas ce bout d'inachevé de saison qui aurait mérité d'être couronné d'un titre pour les New England Patriots. Si on est superstitieux, on pourra donc se réjouir que ce trade de Jason McCourty n'ait pas pu se faire. Espérons que ça présagera d'une fin plus heureuse pour cette saison. Merci Ali en tout cas pour cette chronique. Et maintenant, on va passer à la quatrième partie de l'émission, le match face aux Redskins. Dimanche à 19h, le match de cette semaine, c'est face aux Washington Redskins. Donc rapidement, pour présenter un petit peu cette équipe, Washington, c'est la 21e équipe au niveau des points en attaque. C'est 340 yards de moyenne qui fait la 25e attaque de la NFL. Au niveau de la passe, c'est la 18e à 241 yards, pardon. Et la 23e attaque au niveau de la course avec 99 yards. C'est un ratio de turnover de cette saison qui est à moins 2. Donc voilà, clairement, c'est une équipe qui est largement abordable pour les Patriots. Un match que l'on doit gagner aisément. Mais pourtant, à mon avis, c'est le match piège par excellence. Pierre Garçon au niveau des receveurs. Deshaun Jackson, qui normalement est sur le retour. Cette équipe sort d'un bye week, donc elle a eu le temps de préparer le match face aux Patriots. Et notamment aussi son jeu de course que Jay Gruden a dit qu'ils allaient remodifier. Thompson, un de leurs coureurs, revient également. C'est une équipe qui est capable de faire des comebacks. On l'a vu récemment dans les semaines précédentes face aux Bucks où ils sont revenus du Diable Vauvert. Donc voilà, c'est une équipe qui a énormément de danger au niveau de cette attaque qui peut poser des problèmes aux Patriots s'il y a un relâchement. Tout simplement, vous demandez quelles sont vos attentes, en tout cas, quelles sont les perspectives pour vous face au match de Washington. Alors moi, surtout, ce qui va être intéressant, je trouve, à observer, c'est les performances de Kirk Cousins, qui, je suis assez ambivalente sur lui, je l'aimais bien en college football, et je trouve que maintenant qu'il a pris la place de starter de ce pauvre RG3, je trouve qu'il alterne le bien et le mal, en fait. Donc c'est ça qui est problématique avec ce joueur, c'est qu'on peut s'attendre à des performances qui sont complètement dégueulasses, avec des interceptions, etc., mais il peut aussi envoyer des matchs assez intéressants. Pour l'instant, il est à 9 TD depuis le début de la saison. Bon, il est pas, c'est pas extraordinaire. Il a envoyé 1700 yards à peu près, je crois, 1800 yards en passe, ce qui est pas trop trop mal. Mais moi, ce qui est important, ça va être de voir quelle est la pression que va exercer notre D sur Kirk, comment il va s'en sortir, sur qui il va lancer. Et surtout, comme tu l'as dit, il y a le retour de Shady, donc, bah pas Shady, qu'est-ce que je dis, de John Jackson. Et du coup, intéressant au niveau de la course, sachant aussi qu'il y a Maurice qui est là-bas, qui envoie des yards, hein, quand même, depuis le début de la saison. Alfred, non, c'est pas Alfred Maurice qui tourne le plus, je crois, c'est Thompson, et parce qu'Alfred Maurice, je crois, c'est le troisième coureur. Ouais, mais non, Maurice est quand même pas mal, hein, depuis le début de la saison, sur 80. 11 portées, il a envoyé 300 yards. Bon, il a envoyé 300 yards, ce qui n'est pas dégueulasse, mais Maurice, quand même, je me méfie beaucoup de lui. Je pense qu'il peut sortir des gros matchs quand on l'attend pas. Et non, les gros, celui qui a scoré à mort, c'est Matt Jones. Je crois qu'il a mis 3-4 TD depuis le début de la saison. Donc, à voir, Thompson aussi, mais je me méfie un peu de cette équipe. Après, normalement, si. La vérité, c'est que normalement, on doit gagner. Il n'y a pas vraiment trop de débat. Mais encore une fois, sur un match incroyable de Kirk Cousins qui peut faire des merveilles, quand même, contre les Falcons, on l'a vu, il a quand même fait un gros, gros match. Contre les Bucks aussi. Donc, je me méfie des Skins. Ali, ton avis un peu sur ce match de la semaine ? Je pense quand même que ça reste un cran en dessous des Dolphins, donc voilà, à voir. Je pense que si les Patriots sont les Patriots sur leur niveau actuel et sur leur lancée, je pense que c'est un match où, logiquement et rationnellement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de débats et ni trop de suspense. Donc, yes. C'est clair que la bye week va les avantager, donc ils auront eu plus de temps de préparation, mais je ne pense pas que ce soit un obstacle. Après, attention, il faut faire attention à cette équipe-là. Si Cousins est dans une forme, on va dire, correcte et qui fait bien son match, ils ont des menaces que ça soit comme receveur. Jordan voilà, Reed exactement, aussi. Ce que j'allais venir, c'est Jordan Reed aussi qui est une énorme menace. Alors après, c'est vrai qu'on a une équipe de linebackers qui potentiellement, normalement, est capable de bien défendre sur lui, notamment Collins, qui sont largement capables de l'éteindre. Voilà, attention, on n'est pas une équipe qui défend très bien non plus la course, donc faut faire quand même très attention à ça. S'ils arrivent vraiment à installer leur jeu de course, potentiellement ils sont capables de sortir Brady du terrain. Hein. Bah depuis le début de la saison, la moyenne à la course qu'on laisse passer, c'est environ 80 yards sur chaque match, par match. La moyenne de tout ce qu'on envoie, on se fait passer 80 yards à la course. C'est correct. C'est correct, quoi. C'est correct. En fait, on s'est fait, au premier match contre les Steelers, on s'est fait éclater au grand 2. Et du coup, après, ça se nivelle. Hein. Mais là, pour l'instant, sur les premiers matchs, on est à 80 yards. Normalement, voilà, il ne doit pas y avoir de surprise. On doit passer une semaine, normalement, relativement tranquille. Après, c'est sûr que s'il se passe autre chose, on aura le temps d'en débattre dans la prochaine émission. Mais voilà, c'est normalement une semaine plutôt tranquille face aux Washington Redskins. Après, il y a du danger, il sort d'une bye week. Voilà, il y a des menaces un peu partout. C'est une défense qui est quand même relativement faible aussi, parce qu'on va en parler, un taux de turnover qui est à moins 2. Donc, ça veut dire que l'équipe en face ne fait absolument... fait très très peu d'actions, en tout cas défensives, de ce côté-là. Donc voilà, c'est très très peu de sacs par saison, donc... Brady devrait passer une soirée tranquille, normalement nous aussi. À voir, on verra bien maintenant ce qui se passera cette semaine. Voilà, moi il me reste à vous demander au final quel va être votre pronostic pour ce match. Allez, 50-0. Non, plus sérieusement, je vais donner un 40-13. 40-13, ça me plaît bien. Je pense que ça reflète l'écart actuel. Et on parle de la bye week des Redskins, mais nous, de notre côté, comme on a joué le jeudi, ça nous laisse aussi 2 jours. Voilà, je suis content déjà qu'on soit sorti de ces 2 matchs sans trop de pépins et qu'on puisse recharger les accus, c'est le principal. Maintenant, ce match, je pense qu'il est gérable et 40-13, je pense que je ne serai pas loin. Mais faut demander au presse, parce qu'il est souvent beaucoup plus passé que nous. Le presse vise souvent assez juste en termes de... Pour ça, il faudra lire le blog et les clés du match du président qui arrive quelques jours avant le match des Redskins. Écoute, moi, je tablais sur un truc qui se rapproche en fait de ce que tu disais, Ali. Je pense un petit 42-17. D'accord, c'est noté. Alors moi, je ne vais pas prendre de risque comme la semaine dernière au risque de me faire huer dans les commentaires et de perdre encore toute crédibilité. Donc non, cette fois-ci, je vais quand même miser sur moi-même aussi quand même une victoire sur des Patriots. 40, moi, je vais même aller plus loin. Je vais dire, allez, même 45 points au niveau des Patriots, au niveau de l'attaque. Et je vais quand même aller dire un 24 pour au niveau des Redskins. Un 45-24 me paraît quand même un score élevé, certes, Mais voilà, je pense qu'il y a assez de menaces au niveau des Redskins qui sont capables de marquer un ou deux TD en fin de rencontre, notamment. Parce que quand je regardais un petit peu rapidement les stats, que ce soit Pierre Garçon ou par exemple Reed, c'est quand même 10 yards par réception, ce qui est voilà, assez énorme, connaissant un peu notre faiblesse au niveau de la défense, au niveau de la passe. C'est potentiellement, je pense qu'il peut y avoir un ou deux gains longue distance de la part des Redskins, pardon. Bon, en tout cas, voilà, il me reste à vous remercier, c'est la fin de cette émission, il me reste à vous remercier en tout cas, Ali et Claire, de m'avoir assisté pour cette deuxième émission. Merci de nous avoir invités en tous les cas. Bah, merci. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, de beaux matchs NFL, et n'oubliez pas le Fight Club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.